dire. Je n'ai pas su te retenir. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai même pas tenté de t'entendre. Pourtant je te vois rire. Preuve que tu voulais en finir. Et car lorsque tu m'as laissé, j'ai senti tes lèvres l'embrasser. J'ai su, je sais, je saurai. J'ai toujours gardé le secret. J'ai attendu de ta voix que tu m'avoues tout de toi. J'ai pas voulu y parler. J'ai pas osé le regarder. Même pas cherché à savoir. Mais j'ai souffert, tu peux me croire. Alors c'est pathétique quand tu me dis te faire souffrir. J'aurais au moins pu mériter le vrai fond de tes pensées. Combien j'ai espéré que dans mes bras tu viennes pleurer, me disant toute la vérité. Tu sais, je t'aurais pardonné. J'ai su, je sais, je saurais. J'ai toujours gardé le secret. J'ai voulu que ça vienne de toi, que tu me pleures de ta voix. Je voulais que tu m'avoues. Tu n'as rien dit malgré tout. Tu n'as fait que nourrir la peine. Et quelle peine, du moins la mienne.